Allons-y avec le commentaire de disque de la semaine. Commentaire de disque que vous pouvez lire sur les sites de Centran, www.centran.qc.ca ou encore le www.quebecpop.com ainsi que sur ma page Facebook de Canrock, CANROCK. Donc, allons-y cette semaine avec Côté A de M. Étienne Fletcher. Étienne Fletcher, ancien membre d'Indigo Joseph et lauréat du Chant d'Ouest en 2015, l'auteur-compositeur-interprète de la Saskatchewan, nous propose Côté A, un petit EP énergique et captivant. Il débute, débute cet opus avec Soleil qu'on va entendre dans quelques instants, ce qui dresse bien le son de l'album. Tout de suite, nous sommes charmés par une plume contemplative des relations humaines, du quotidien, de la vérité. Musicalement, il y a de la substance, et ça jusqu'à la fin du petit EP de 5-6 chansons. Donc, c'est vraiment fort intéressant. Je vous donne bien sûr une adresse pour découvrir son univers, www.etiennefletcher.com/fr, pour français, bien sûr. Et allez découvrir ça, c'est vraiment magnifique. Et je suis pas mal sûr que vous pouvez trouver ça aussi auprès de l'APCM, www.apcm.ca. Donc, allons-y, si vous voulez bien, avec une excellente chanson de cet auteur, compositeur, interprète de la Saskatchewan que j'ai rencontré au Contact Ontario cette année. Un gars hyper sympathique, vraiment là, un gars bien le fun à jaser avec. Voici Étienne Fletcher et de son petit EP, Côté A, je vous propose la première chanson qui ouvre l'album, qui nous donne tout de suite l'idée du son. Voici tout simplement Soleil, Étienne Fletcher. Ça va comme ça vient des fois, mais y a du beau temps qui s'en vient, je vois. J'ai le soleil dans les yeux maintenant, c'est le soleil qui gagne. Elle se dandine devant les vitrines sans se soucier de ses souliers. Elle me dit que c'est pas facile, c'est pas facile. Elle se dandine devant les vitrines sans se soucier de ses souliers. Elle me dit que c'est pas facile, c'est pas facile. pièce par pièce, la force des mélodies ne démarre pas. Mes compositions préférées sont perdues, qu'on va entendre dans quelques instants. Pour son riff des plus accrocheurs, vous allez voir. Il y a petit plaisir aussi pour ce mood folk rock solide grâce à une trame de piano. Et French Punk, qu'on va entendre en fin de commentaire. French Punk, un funk enivrant où piano et guitare se chargent de capter notre attention. C'est vraiment une très bonne pièce. Donc, je vous rappelle, allez faire un tour du côté de etiennefletcher.com pour découvrir son univers. Il est de la Saskatchewan. Et je vous envoie une autre pièce. Une de mes préférées, c'est pas ma préférée de l'album. Ça s'appelle tout simplement « Perdu ». Voici l'auteur, compositeur, interprète de la Saskatchewan, M. Étienne Fletcher. C'est sans classe, ça va donner de quoi de beau. Toujours la même histoire, toujours la même histoire. Puis là tu me dis que t'as fini, mais dans tes yeux t'as pas l'air sûr. La nuit je sais que tu gémis, à y rêver t'en veux c'est sûr. Et puis les années passent, and we're getting. Petit EP qui nous donne la fin, hein, l'univers pop-rock solide que nous propose Étienne Fletcher. Eh bien, est ce genre d'univers que l'on pourrait écouter pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. La qualité des mélodies et de la production de côté A est des plus rafraîchissantes et la prestation vocale d'Étienne Fletcher est vraiment solide, toune par toune, pièce par pièce, paragraphe par paragraphe. On ne se tanne jamais de ce beau timbre de voix que a M. Étienne Fletcher. Côté A, un mini-album à découvrir. Côté A, ça veut-tu dire que bientôt on aura un côté B à suivre, bien entendu. Donc, allez découvrir l'univers de Étienne Fletcher via le www.etiennefletcher.com. Donc, c'est un must, je vous le jure, vous allez adorer ça. Je vous envoie une dernière pièce. Et la dernière pièce que je vous envoie, c'est French Punk. Assez intéressant. Merci. Étienne Fletcher. Qui n'est pas digne, je suis un homme qui cherche un signe, je suis un gars qui ne s'en fait pas, je suis un gars rempli de tracas, rempli de tracas. Le miroir me présente un homme perdu et solitaire, je cherche dans le noir la bonne, bonne étincelle de lumière. maudite maladie. On a débuté le bloc de l'Est Québec-Ontario avec un beau souvenir que j'ai été chercher ça un peu loin. C'est tiré de la compilation SOS Montfort, album qui avait été lancé suite à la bataille pour garder l'hôpital Montfort ouverte. Et il y avait plusieurs artistes qui ont participé. Et ça, c'était Vision Affaiblie. Un groupe dont le guitariste s'appelait Mathieu Granger. Oui. Ça s'appelle Toxicomanie. Puis j'ai tout le temps adoré cette pièce-là. Maudit bon groove rock franco-ontarien. Donc, c'est vraiment une des très, très bonnes pièces de l'album SOS Montfort. Donc, écoutez, on va continuer notre bloc de l'Est Québec-Ontario avec une nouveauté tirée d'un album en français, s'il vous plaît, de la formation Sugar Crush. Un remix, par contre, un remix de la chanson Zigodon, assez intéressant, merci. Et tant qu'à être dans cet univers de remix technotrad, on va entendre Swing avec Sur le bord du Saint-Laurent et Mélissande avec Tourne la manivelle. Trois cavaliers bas, les yeux en zinzon. Paris, si tu lui passes, trois cavaliers bas. le sang, sans sang. Quand la belle fut à terre, se sauve à la maison, et si le sang, sans sang. Fille en haut, fille en bas, fille, fille, fille, femme. Femme, femme, femme, si, puis la bottine, tine, tine, tine, rigolait. Manivelle pas si fort, mamzelle. C'était un pauvre petit moine qui voulait mignonner. Il s'en va voir la belle. Tourne la manivelle pas si fort, mamzelle. Il s'en va voir la belle. Bien tard après le souper. Bien tard après le souper. Bien tard après le souper. La trouve dans sa chambre. Tourne la manivelle pas si fort, mamzelle. La trouve dans sa chambre sur son lit à pleurer. Qu'avez-vous donc la belle? Tourne la manivelle pas si fort, mamzelle. Qu'avez-vous donc la belle? Qu'avez-vous à pleurer? Qu'avez-vous à pleurer? Qu'avez-vous à pleurer? Ah, j'ai mon lit à faire, tourne la manivelle pas si fort, mamzelle. Ah, j'ai mon lit à faire et ma vache à tirer. Que me donnez-vous la belle? Tourne la manivelle pas si fort, mamzelle. Que me donnez-vous la belle si je vais la tirer? Si je vais la tirer, si je vais la tirer. Un beau baiser, mon moine, tourne la manivelle pas si fort, mamzelle. Un beau baiser, mon moine, deux, trois si vous voulez. Le moine part à la course, tourne la manivelle pas si fort, mamzelle. Le moine part à la course, il s'en va dans le pré. Il s'en va dans le pré, il s'en va dans le pré. La vache repousse le moine, tourne la manivelle pas si fort, mamzelle. La vache repousse le moine, sur le tour dans le fossé. La vache repousse le moine, tourne la manivelle pas si fort, mamzelle. La vache repousse le moine, sur le tour dans le fossé. Sur le tour dans le fossé, sur le tour dans le fossé. Le moine se relève, tourne la manivelle pas si fort, mamzelle. Le moine se relève, tout plein de l'essouiller. Le moine se relève, tourne la manivelle pas si fort, mamzelle. Le moine se relève, tout plein de l'essouiller. Tout blanc de l'essouiller, tout blanc de l'essouiller. Ah, c'est pas pour un baiser, tourne la manivelle, pas si fort, mamzelle. C'est pas pour un baiser que je veux ma vie exposer. C'est pas pour un baiser, tourne la manivelle, pas si fort, mamzelle. C'est pas pour un baiser que je veux ma vie exposer. Que je veux ma vie exposer, que je veux ma vie exposer. Que le diable emporte la vache, tourne la manivelle, pas si fort, mamzelle. Que le diable emporte la vache, et celle qui a pleuré. Que le diable emporte la vache, tourne la manivelle, pas si fort, mamzelle. Que le diable emporte la vache, et celle qui a pleuré. Et celle qui a pleuré.